Chapitre 14. Frédéric, jusqu'alors pur et chaste, élevé sous l'œil maternel, avait plutôt pressenti que compris les odieux projets de la douairière et de sa suivante au sujet de Madame Bastien, qu'elle voulait, dans leur naïf cynisme, donner, si cela se pouvait, pour maîtresse à Raoul de Pontbriand. En effet, à leurs yeux, c'était une fameuse trouvaille, comme avait dit la marquise, que cette charmante et honnête bourgeoise qui demeurait à proximité du château, dont le mari était presque toujours absent, sans compter que l'on pourrait, pour qu'il ne fût point gênant, placer le fils de la jeune femme dans les bureaux de l'intendant du château avec quelques bons gages. L'impression que cet entretien laissait à Frédéric était donc la conviction plus instinctive que raisonnée, qu'il s'agissait d'un dessein infâme dont sa mère se trouvait l'objet, et que le soir même, le jeune marquis, devant avoir connaissance de ce projet, s'en rendrait nécessairement complice, pensait le fils de Madame Bastien. À ces nouveaux et redoutables sentiments se joignait chez l'adolescent le souvenir de cet homme exerçant la même profession que son père à lui, Frédéric, et qui, bâtonné par le jeune marquis, avait été dédaigneusement repoussé lorsqu'il avait demandé une réparation par les armes. « Il en serait ainsi de moi, » se dit Frédéric avec un sourire farouche. « Raoul de Pontbriand aura méprisé ma provocation, à moins qu'il ne soit parti ce matin avant de l'avoir reçu. Heureusement, la nuit approche, le marquis revient seul, et je connais la cavée de la vieille coupe. » Et Frédéric, prenant son fusil, se dirigea rapidement vers une autre partie de la forêt. La cavée de la vieille coupe, route obligée de Raoul de Pontbriand pour se rendre chez lui en revenant du château de Montel, était une sorte de chemin creux, profondément encaissé, au revers très élevé et planté d'énormes sapins d'Écosse, dont les cimes formaient au-dessus de la cavée un dôme si impénétrable qu'en plein jour il y faisait très sombre. Ce jour-là, au moment où le soleil venait de disparaître, il régnait déjà dans ce ravin une grande obscurité. Toute forme y paraissait indécise. Deux hommes se rencontrant face à face dans cet endroit n'auraient pu de l'un à l'autre distinguer leurs traits. Il était environ 6 heures du soir. Raoul de Pontbriand, seul, il avait, on l'a dit, renvoyé son groom au château pour avertir la marquise d'un changement de projet. Raoul entra au pas de son cheval dans la cavée, dont les ténèbres lui furent d'autant plus sensibles qu'il venait de quitter une route encore éclairée des dernières lueurs crépusculaires. Au bout de 20 pas, cependant, sa vue, déjà familiarisée avec les ténèbres, lui permit d'apercevoir vaguement devant lui une forme humaine, debout, immobile, au milieu du chemin. « Oh là, hé ! » cria-t-il, « rangez-vous donc d'un côté ou de l'autre de la route. »« Un mot, monsieur le marquis de Pontbriand, » dit une voix. « Que voulez-vous ? » répondit Raoul en arrêtant son cheval et se penchant sur sa selle, afin de tâcher de reconnaître les traits de son interlocuteur, mais ne pouvant y parvenir, il reprit. « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? » « Monsieur de Pontbriand, » répondit la voix, « avez-vous, ce matin, reçu une lettre qui vous donnait rendez-vous à la roche de Grand-Cyr ? » ?»« Non, car j'ai quitté Pontbriand à 8 heures. Mais encore une fois, qu'est-ce que tout cela signifie ? Qui diable êtes-vous ? » ?»« Je suis celui qui vous a écrit la lettre de ce matin. » »« Eh bien, mon ami, vous pouvez... »« Je ne suis pas votre ami, » interrompit la voix. « Je suis votre ennemi. » »« Vous dites ?» s'écria Raoul avec surprise et une légère émotion. « Je dis que je suis votre ennemi. » « Vraiment ?» reprit Raoul d'un ton railleur, sa première surprise passée, car il était naturellement fort brave. « Ça devient amusant. Et comment vous nommez-vous, monsieur mon ennemi ? Peu vous importe mon nom. » « Soit. » « Eh bien donc, mon cher, pourquoi diable m'arrêtez-vous ainsi à la tombée de la nuit au milieu de la route ?»« Ah mais j'y pense, vous m'avez écrit. » « Oui, pour me dire quoi ?»« Que vous seriez un lâche si misérable !» s'écria impérieusement Raoul en interrompant Frédéric et en poussant son cheval sur lui. Mais le fils de Madame Bastien, frappant le chanfrein du cheval avec le canon de son fusil, le força de s'arrêter. Raoul, d'abord un peu effrayé, mais surtout impatient de savoir où voulait en venir l'inconnu, se calma et reprit avec un sang-froid railleur. « Vous disiez donc, monsieur mon ennemi, que vous m'aviez fait l'honneur de m'écrire. Oui, pour vous dire que si vous n'étiez pas un lâche, vous vous rendriez aujourd'hui à la roche du Grand Cyr, seul, avec votre fusil chargé à balles, comme je viendrai seul avec le mien. » Après un nouveau mouvement de surprise, le marquis répondit « Et puis-je vous demander, mon cher, ce que nous aurions fait là, tous deux, avec nos fusils ?»« nous nous serions placés à 10 pas et nous aurions fait feu l'un sur l'autre. Peste, comme vous y allez? Et dans quel but nous serions-nous livrés à cette distraction innocente, monsieur mon ennemi? Je vous aurais tué ou vous m'auriez tué. Probablement à 10 pas, où nous aurions été bien maladroits. Mais ce n'est pas le tout que de vouloir tuer les gens, mon cher. Il faut au moins leur dire pourquoi. Je vais vous tuer parce que je vous hais. Ah, bah. Ne raillez pas, monsieur de Pontbriand, ne raillez pas. C'est difficile. Enfin, je vais tâcher. Allons, c'est dit, vous me haïssez. Et pour quelle raison? Mon nom vous importe aussi peu que le sujet de ma haine. Vous croyez? Je le crois. À la bonne heure. Je suis, comme vous le voyez, bon prince, assurément. C'est donc convenu, vous me haïssez. Eh bien, après, vous me tuerez ou je vous tuerai. Ah ça, mais il paraît que décidément, c'est une idée fixe. Monsieur de Pontbriand, cette idée est tellement fixe que je vais la mettre à exécution à l'instant. Mon cher, ma grand-mère m'a promis de me conduire cette année au bal de l'opéra pour la première fois. Eh bien, je suis sûr que je n'y serai pas aussi intrigué que je le suis par vous. Je vous disais, monsieur de Pontbriand, que nous allions nous battre à l'instant même, ici, dans cette cavée, ici, sans y voir clair. Il n'y a pas besoin d'y voir clair. Et avec quoi nous battre? Avec mon fusil. Un seul fusil? Oui. C'est curieux. Comment cela? Voyons, mon cher. Vous allez descendre de cheval. Et puis? Vous ramasserez quelques cailloux du chemin. Des cailloux? Reprit Raoul en éclatant de rire. Comment des cailloux? Ah ça, maintenant c'est donc à coup de pierre que nous allons nous battre. Au fait, c'est moins tragique que le fusil. C'est dans le goût du combat de David et de Goliath. Vous possédez donc des frondes, vous, mon cher. Mais le dommage est que nous n'y verrons goutte. Je vous disais, monsieur de Pontbriand, que vous ramasserez 2 ou 3 cailloux du chemin. Vous les mettrez dans votre main fermée. J'y suis, pour jouer à paire ou non. L'obscurité n'empêche pas de compter les cailloux. Le gagnant prendra le fusil, l'appuiera sur la poitrine de l'autre et fera feu. Vous voyez bien, monsieur de Pontbriand, qu'il n'y a pas besoin de voir clair pour cela. L'accent de Frédéric était si bref, si résolu, sa voix si altérée, que d'abord le marquis, sans pouvoir s'expliquer cette aventure étrange, l'avait regardée comme sérieuse. Puis, se rappelant un incident de la soirée qu'il avait passé la veille dans le salon de sa grand-mère, il partit d'un grand éclat de rire et s'écria « Ah, ma foi, la plaisanterie est excellente, je comprends tout maintenant. Expliquez-vous, monsieur de Pontbriand. » C'est bien simple. Hier soir, chez ma grand-mère, on comptait des histoires de voleurs, d'attaques nocturnes. On en est venu à me plaisanter sur mon courage. J'ai répondu très haut de ma bravoure. En un mot, j'ai fait un peu le crâne. Or, ceci est une épreuve arrangée pour m'essayer, car l'on savait qu'en revenant du Montel, je prendrais nécessairement cette cavée. Vous pouvez donc dire à ceux qui vous ont payé pour cela que je me suis, je l'espère, assez galamment tiré d'aventure, car, foi de gentilhomme, j'ai d'abord pris la chose au sérieux. Bonsoir, mon brave, laissez-moi passer, il se fait tard, et c'est à peine si j'aurai le temps d'arriver à Pontbriand pour m'habiller avant le dîner. Monsieur de Pontbriand, ceci n'est pas une plaisanterie, ceci n'est pas une épreuve, vous ne passerez pas, et vous allez mettre pied à terre. Allons, assez, dit impérieusement Raoul. Vous avez gagné votre argent, ôtez-vous de là, que je passe. Pied à terre, monsieur de Pontbriand, pied à terre. Eh bien donc, tant pis pour vous, si je vous marche sur le corps, s'écria Raoul. Et il poussa son cheval en avant. Mais Frédéric, se jetant à la bride de l'animal, lui donna une violente saccade qui le fait arrêter court sur ses jarrets. « Tu oses toucher à mon cheval, gredin ?» s'écria Raoul, en levant sa cravache et frappant au hasard. Mais elle siffla dans le vide. « Ce coup de cravache, cet outrage, je le tiens pour reçu, monsieur de Pontbriand. Maintenant, vous seriez un misérable lâche si vous ne mettiez pas pied à terre à l'instant. » Le marquis avait dit vrai. D'abord confondu de l'aventure, il avait ensuite cru que c'était une épreuve dont il était l'objet. Mais en entendant la voix âpre et sourde de Frédéric, qui palpitait de rage contenue, il revint à sa première pensée et comprit que la rencontre était sérieuse. Nous l'avons dit, Raoul était naturellement brave, déjà rompu au monde comme un homme de 25 ans et façonné par l'exemple de sa grand-mère à une hardie et insolente raillerie. Aussi, quoiqu'il lui fût impossible de deviner quel était l'inconnu et pourquoi cet inconnu le haïssait et le provoquait avec tant d'acharnement, Raoul répondit sérieusement cette fois et avec un bon sens et une fermeté précoce. « Écoutez-moi, vous dont je ne vois pas la figure et qui cachez votre nom. Vous m'avez insolemment provoqué. Vous m'avez traité de lâche. J'ai voulu vous châtier comme on châtie un vagabond qui vous insulte au coin d'un bois. Malheureusement, la nuit a égaré mes coups, mais l'intention vole faite. Tenez-vous donc pour châtié. Maintenant, si cela ne vous suffit pas, vous savez qui je suis. Envoyez demain au château de Pontbriand deux hommes honorables, si vous en connaissez, ce dont je doute, d'après vos procédés. Ces personnes se mettront en rapport avec deux de mes amis, monsieur le vicomte de Marcilly et monsieur le duc de Morville. Vos témoins, s'ils sont acceptables, feront connaître au mien votre nom d'abord, s'il vous plaît, et la cause de la provocation que vous m'avez, dites-vous, adressée ce matin. Ces messieurs décideront alors entre eux de ce qu'il y aura lieu de faire. Quant à moi, je serai prêt à me rendre à leur décision. Voilà comment les choses doivent se passer entre gens bien élevés. Mon cher, si vous l'ignorez, je vous l'apprends. Pas de mots, des faits, monsieur de Pontbriand, dit Frédéric d'une voix haletante. Voulez-vous vous battre ici, à l'instant, oui ou non ? Encore votre duel au petit caillou et au fusil, répondit Raoul en regardant autour de lui et tâchant de percer l'obscurité, comme pour bien reconnaître l'endroit où il se trouvait. Ça devient fastidieux. Vous refusez ? Pardieu ! Répondit Raoul, qui, cherchant le moyen de mettre fin à cette rencontre, voulait gagner du temps et distraire l'attention de Frédéric. J'ai 17 ans, j'aime la vie, j'adore les plaisirs, et j'irai, sans savoir pourquoi, risquer de me faire tuer la nuit comme un chien dans un chemin creux. Allons donc. Parlez-moi d'un beau duel, au grand soleil, l'épée à la main, à la bonne heure. Mais un guet-apens, et pour mon premier duel encore, vous êtes fou. Monsieur de Pontbriand, vous êtes à cheval, je suis à pied, la nuit est noire, je ne peux pas vous frapper à la figure, mais l'intention vaut le fait, vous l'avez dit, maintenant vous battez-vous. Vous me demandez cela demain, chez moi, au grand jour, je vous répondrai, ou je vous ferai jeter la porte. Monsieur de Pontbriand, prenez garde. À quoi ? Il faut que vous, au moins, restions ici. Ce sera donc vous. Et sur ce, bonsoir, mon cher, dit Raoul. Et en disant ces mots, il enfonça soudain et vigoureusement ses éperons dans le ventre de son cheval, qui fit un bond énorme en se portant en avant comme s'il eût franchi un obstacle, et de son poitrail heurta si violemment Frédéric qu'il l'envoya rouler à terre. Lorsque le fils de Madame Bastien, encore étourdi de sa chute, se releva, il entendit le galop du cheval de Raoul qui s'éloignait rapidement. Après un premier moment de stupeur, Frédéric réfléchit, poussa un cri de joie féroce, ramassa son fusil, gravit en s'aidant du tronc des sapins un des revers de la cavée qui s'élevait presque à pic, et courant avec rapidité, il s'enfonça dans la forêt dont il connaissait tous les chemins et toutes les passées.